Elle enfanta là son fils premier-né, le sauveur du monde, afin que s'accomplît la parole du prophète. Quant à toi Bethléem, terre d'Éphrata, tu n'es pas la moindre des rois de Judéa, car c'est de toi que sortira le roi pasteur d'Israël. Il y avait une petite crèche dans la grotte de Bethléem où enfanta la Sainte Vierge Marie, qui enveloppa l'enfant de l'ange, et le coucha dans la crèche. Elle l'appela du nom de Jésus, comme l'avait appelé l'ange avant qu'elle conçût. 2. Il y avait une sage-femme appelée Salomé, qui passa par ce chemin au moment de l'entrée de Marie dans la grotte de Bethléem. La nouvelle se répandit qu'une vierge, ayant enfanté un enfant à Bethléem, était restée vierge après son enfantement. La sage-femme Salomé se scandalisa de cette parole, et dit : cette femme était enceinte d'un enfant d'Israël, elle a outragé le peuple de la tribu de Judéa. J'irai voir si elle est vierge ou non après avoir enfanté pour son âge, car c'est une jeune fille. Salomé entra dans la grotte où se trouvait la Sainte Vierge Marie. Elle leva sa main afin de toucher le sein pur de Marie après son enfantement. Aussitôt sa main se dessécha jusqu'à l'épaule. La peur et l'effroi la saisirent, elle tomba sur sa face en criant, et dit : aie pitié de moi, ô maîtresse, aie pitié de moi. Demande miséricorde d'avoir blasphémé, et d'être scandalisée contre lui, répondit Marie. Je n'ai pas tenté, ni nié mon Dieu, de ce qui s'est incarné en toi, ô pur, mais j'ai fait cela parce que j'ai voulu que la prophétie d'Ésaïe devint vraie. Voici une vierge concevra, et enfantera un fils, et s'appellera du nom de Manuel, Dieu avec nous. Voici que j'ai trouvé pour toi ce que le prophète Ésaïe a dit à ton sujet. Tu es la maîtresse des femmes, génératrice du Messie en qui espèrent les anges, et les hommes, et qui s'est fait homme de toi pour le salut du monde entier. Aussi intercède pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, qui s'est incarné de toi afin que ma faute me soit pardonnée. 3. Marie prit la main de Salomé, qui était desséchée, et la mit sur son fils bien-aimé. Elle fut aussitôt guérie, et devint comme l'autre. Salomé glorifia notre Seigneur Jésus Messie, et dit : ô mon Seigneur, et mon Sauveur qui est né à présent. Je sais que tu es le Fils du Seigneur éternel, toi au sujet de qui les prophètes Ésaïe a prophétisé. 4. L'enfant ouvrit sa bouche, et dit : elle est vraie la prophétie du prophète Ésaïe, qui n'a pas réprimandé le roi Ozia lorsqu'il avait offert un sacrifice au Seigneur. Moi-même j'ai fait venir la lèpre sur les lèvres. Lorsqu'il s'est repenti de sa faute, j'ai envoyé vers lui un ange tenant une pincette, qui portait une offrande pure de la substance du feu avec cette pincette. Il la fit toucher ses lèvres, et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Je l'ai renvoyé à ses premières prophéties, et je l'ai fait prophétiser sur mon incarnation de la Sainte Vierge que j'ai aimée, et choisie entre toutes les femmes, et de laquelle je me suis incarné afin de sauver Adam, et ses enfants de leurs péchés, et de la servitude du diable. Ce n'est pas étonnant pour le fort de vaincre le faible, mais si le faible vainque le fort. Troisième miracle. Lorsque la sage-femme Salomé eut entendu les paroles de l'enfant, elle le glorifia. Gloire à toi assis à la droite du glorieux Père, qui a mis ton trône au-dessus des cieux, et ton escabeau au bas de la terre. Gloire à toi qui te plaît d'avoir pitié de tes serviteurs, toi qui as pris un petit corps comme les enfants, qui a daigné coucher dans une crèche. Gloire à toi qui remplis de ta puissance les cieux, et la terre, qui compte le sable, et les gouttes de pluie, gloire à toi, toi dont la royauté ne finira pas, dont la lumière ne s'obscurcira pas, dont la puissance ne s'affaiblira pas, gloire à toi. toi qui sais le nombre de toutes les créatures visibles et invisibles, gloire à toi. Toi qui t'es fait humain sur ta volonté, et caché à tes créatures de ton gré, gloire à toi. Riche en majesté et en honneur, gloire à toi à qui appartiennent toute gloire, action de grâce, et majesté jusqu'au siècle des siècles, gloire à toi. Ô toi qui fais se lever la lumière sur Israël ton serviteur, gloire à toi. Ô toi sauveur du monde, qui convertis le cœur des peuples comme tu le veux, gloire à toi. Ô toi que glorifie les corporels, et les incorporels, les anges, et les humains, gloire à toi. Ô toi dont les mers, et tous ceux qui sont en elles glorifient le nom, gloire à toi. Ô toi dont le soleil, la lune, et les étoiles exaltent le nom, gloire à toi. Ô toi que glorifie les montagnes, les collines, les arbres, les fruits, et les fleurs qui exaltent, et honore le nom, gloire à toi. Ô toi que tous les anime et glorifie, gloire à toi. Ô toi le béni qui est venu dans le monde sur l'agrément de ton Père, et de l'Esprit Saint afin de sauver la tribu d'Israël, et tous les peuples, gloire à toi. Ô toi qui pardonne l'égarement, efface la faute, et remet le péché, gloire à toi. À toi appartiennent la gloire, et l'honneur avec ton Père bon, et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Quatrième miracle. 1. Lorsque notre Seigneur Jésus-Messie naquit de la Sainte Vierge Marie, le 29, tous les anges se réunirent, et entourèrent la grotte dans laquelle notre Seigneur naquit. Ils étendirent leurs ailes, se touchant les uns les autres depuis le ciel jusqu'à terre. Les idoles qui se trouvaient dans le monde se mirent à tomber à tel point que par sa puissance le diable ne put maintenir aucune des idoles debout. Les démons se réunirent auprès de leur chef le diable, et dirent « Ô notre maître, quel est ce malheur qui atteint notre pouvoir? Qui est celui qui est né dans le monde, et a brisé notre puissance ?» Attendez-moi un peu, leur dit en tremblant de peur le diable, jusqu'à ce que j'aille parcourir le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour chercher le récit de celui qui est né. Je vous apporterai son histoire, son œuvre ne sera pas cachée. 2. Aussitôt le maudit vola au-dessus de l'air, et il descendit aux inférieurs du dessous. De plus, il parcourut toutes les extrémités de la terre afin de s'assurer de l'œuvre de celui qui était né, mais il ne put s'assurer de la naissance de notre Seigneur Jésus-Messie. Il revint vers ses compagnons avec tristesse, et les trouva écroulés à terre sur leur face. Quant à lui, il fortifia leur cœur, et dit « Ne craignez pas, ma royauté ne disparaîtra pas de moi, et ne sera pas ébranlée. » Est-ce ce que la Vierge au sujet de laquelle le prophète Ésaïe a prophétisé a enfanté? Car il a dit « Voici qu'une Vierge concevra, et enfantera un fils. » Après son enfantement, elle demeura dans sa virginité à Yerushalayim. Si ce fils est né, il bouleversera mon royaume, et ma domination. Quand Ésaïe prophétisa, je me suis mis en colère, et j'ai dressé Manassé fils du roi Ézéchia, contre lui qui l'a scié avec une scie de bois, et a fait disparaître sa mémoire du monde. J'ai détruit son influence avant l'avènement de celui dont il avait prophétisé. Qui a détruit mon influence, si ce n'est la prophétie en laquelle nous devons maintenant trembler en ce moment même, par suite de l'accomplissement des grands miracles qui s'opèrent? Car beaucoup de prophètes sont nés dans le monde, et la peur ne nous a pas atteints comme maintenant. J'ai parcouru toutes les extrémités de la terre, j'ai volé dans l'air, je suis parvenu jusqu'au Falek, je suis descendu jusqu'au fond de la mer, je suis monté au-dessus des montagnes Tarara, j'ai nagé dans tous les fleuves, et je ne suis pas certain de l'œuvre de cet enfant à cause de la peur qui atteint mon royaume, et tous mes satellites à cause de sa naissance. Car une telle peur n'a pas existé sur nous. Lorsque Moshe naquit, il s'entretint avec le Seigneur, qui entr'ouvrit la mer avec son bâton, fit des grands prodiges dans la terre d'Égypte, et submergea Pharaon dans la mer Rouge avec ses compagnons, et toute sa grande armée. Je n'ai été capable, après l'avoir fait sortir d'Égypte, de faire trembler de peur ses genoux à cause de la puissance qui se trouvait avec lui dont il a tiré les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Ensuite je leur ai fait rendre un culte à l'idole de fonte du bœuf. Quant à Josué, fils du prophète Noun qui a ramené le soleil de 12 degrés en arrière, j'ai été capable de révolte contre lui jusqu'à ce qu'il haïsse sa vie. Au prophète Élie le Zélote, qui a fermé le ciel de sorte qu'il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, que le Seigneur a ensuite fait monter vivant dans le paradis, j'ai été capable de dresser contre lui la reine Jézabel, et le roi Ahab qui ont voulu le tuer. Mais pendant 40 jours il a fui devant la face de Jézabel. Et si le Seigneur ne s'était pas hâté de le faire monter auprès de lui, je l'aurais fait tuer en ce monde ou bien je l'aurais fait transgresser comme j'ai fait transgresser Adam, père des humains. Au prophète Daniel fut établi chef dans la ville de Babylone, qui est l'un de mes sièges, je l'ai fait jeter dans la fosse au lion dans les jours du roi Cyrus. Les 3 enfants, Anania, Azarie et Misaël qui refusèrent d'adorer la statue que le roi Nabuchadnezzar avait érigée à Babylone, je les ai fait jeter dans la fournaise de feu. À Job qui possédait la patience et l'humilité et n'allait pas dans mes voies, j'ai été capable de faire périr ses enfants et ses biens. J'ai fouetté sa chair de plaie qui puait au point qu'il ne s'est pas trouvé à son époque plus humilié que lui. Le récit de son œuvre a été entendu dans toute la terre. C'est moi qui l'ai tenté comme lui-même m'avait tenté. Le malheur ne m'a pas atteint, ni au jour de la naissance des prophètes, ni à l'époque de leur prophétie et de leur ministère, comme celui qui m'atteint maintenant avec honte, affront et terreur. Même lorsque je suis tombé de mon degré dans les cieux, une telle affliction ne m'a pas atteint. Qui m'assurera de l'histoire de cet enfant qui est né, car par lui cet affront m'atteint. J'ai parcouru le monde entier, et je n'ai pas trouvé son histoire, il ne me reste rien où je sois parvenu sur terre sauf Bethléem, ville de David en ruine. Mais si cet enfant au sujet de qui les prophètes ont prophétisé est maintenant né en elle, lui-même prendra ma royauté. Venez, allons à Bethléem ou mes compagnons afin de voir, et de nous assurer si l'enfant né s'y trouve. Concentrons nos armées, et guerroyons contre les anges qui les gardent jusqu'à ce que nous leur prenions la royauté. 3. Les armées du diable maudit partirent, et placèrent son trône au-dessus des nuages pour porter leur chef, car ils allaient à Bethléem combattre contre les anges. Lorsqu'ils eurent vu de loin la grotte, ils aperçurent les anges entourer la grotte dans laquelle se trouvait l'enfant en faisant toucher leurs ailes depuis le ciel jusqu'à terre. Ni le diable, ni aucune de ses troupes, ne purent s'approcher de Bethléem, à plus forte raison de la grotte, car lorsqu'ils approchaient des anges, des flèches de feu partaient des ailes comme des éclairs, et leur transperçaient le visage. Le diable maudit fut stupéfié avec ses troupes, et il dit à ses soldats. Attendez-moi un peu jusqu'à ce que je sois parvenu à Bethléem, et que j'aie interrogé les bergers qui s'y trouvent au sujet de l'histoire de l'enfant, et trouvé l'exactitude auprès d'eux. 4. Tout ceci eut lieu le 14e jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Messie. Lorsque le diable fut parti, il rencontra les bergers, et les armées des anges aussi en train de glorifier ensemble à dire. Gloire au Seigneur dans les cieux, et paix aux hommes de son gré. De plus, il entendit un ange qui s'entretenait avec les berges à leur dire : Voici que je vous annonce une nouvelle et une joie pour vous. Voici, je vous annonce que le Messie est né en ce jour dans la ville de David. Voici son signe pour vous. Vous trouverez une grotte dans la ville, en elle se trouve une vierge qui étreint sur son sein un petit enfant. Le diable tomba sur sa face lorsqu'il entendit cela. Il revint affligé de honte vers ses compagnons et dit : J'ai appris l'histoire des bergers. Si elle est vraie, moi-même je suis perdu, et vous êtes perdu aussi. J'ai appris que l'Esprit s'est fait humain de la Vierge. Est-ce mon Seigneur et mon Dieu qui m'a précipité de mon degré céleste lorsque je me suis révolté contre lui? S'abaisse-t-il d'une telle humilité? Maintenant donc, ne partons pas des environs de Yerushalayim et de Bethléem jusqu'à ce que nous ayons découvert la certitude de ce fait. Si le fait qu'il est né est vrai, nous prendrons pour nous-mêmes les dispositions qui conviennent afin que ma royauté, qui est sur le point de passer, ne passe pas. 5. Aussitôt il partit rapidement vers les anciens des Juifs, qui connaissaient les Écritures des prophètes, et l'interprétation des paroles des Écritures, afin de s'assurer de l'époque de la naissance de notre Seigneur Jésus-Messie. Ils ne me le cacheront pas quand je les aurai interrogés, se dit-il. Étant entré dans la ville de Yerushalayim, il se tint au milieu de l'assemblée des nobles des Juifs, et se mit à les contredire au sujet du Messie, et au sujet de l'époque de sa naissance. Il s'assura de cela avec soin auprès d'eux. Ils lui répondirent en disant : Les prophètes ont exposé que le Sauveur du monde naîtra à Bethléem de Judéa. Si les 70 semaines que le prophète Daniel a mentionnées sont écoulées, le Messie est né, mais si elles ne sont pas écoulées jusqu'à maintenant, il n'est pas né. Alors Satan incita en ce jour les anciens des enfants d'Israël pour qu'ils demandent l'histoire du Messie. Ils députèrent des hommes vers leur docteur, vers Nicodème, docteur de la loi, vers Cléophas, et Gamaliel le père d'Étienne, pour examiner le compte des semaines que le prophète Daniel avait mentionné. Ils trouvèrent que c'était écoulé, et dirent : Maintenant le Messie est donc né. Avez-vous su, leur dit Nicodème, ce que le sacrificateur Siméon a dit au temps où il interprétait les Écritures avec nos pères pour le roi Ptolémée, pour traduire la langue hébraïque en grec ? Il se accent aigu, t'es choqué de l'écriture du prophète Ésaïe qui dit : Voici qu'une vierge concevra, et enfantera un fils, qu'elle appellera du nom Emmanuel. L'ange du Seigneur était venu vers lui, et dit : Tu seras attaché à ce monde jusqu'à ce que cette vierge ait enfanté, et que tu l'aies vue de tes yeux. Venez, allons vers lui afin de l'interroger sur l'histoire, et de nous assurer auprès de lui, car il est chargé de jours. Venez le chercher. Si nous le trouvons vivant, nous saurons que le Messie n'est pas né. Mais s'il est mort, nous saurons que le Messie est né comme l'ange a annoncé à Siméon lorsqu'il fut choqué. Tu ne mourras pas avant de voir le Seigneur Messie. 6. Ils allèrent tous dans le temple, ils trouvèrent Siméon vivant, couché sur la terre à cause de son âge, car il était d'une vieillesse avancée. Ils lui dirent : Salut à toi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Leur dit-il à voix basse. Ô vieillard béni, l'époque de la venue du Sauveur dans le monde est-elle arrivée, alors que tu l'attends attaché à la vie de ce monde ? Lui dirent-ils. Oui. L'époque de sa venue est arrivée. Leur dit-il. Comment as-tu su cela ? Dirent-ils. J'ai su que ma maison a été délivrée du mal qui m'avait atteint lorsque je me choquais de la prophétie du prophète Ésaïe au sujet du salut des humains, leur dit-il. La prophétesse Ain qui se trouve continuellement dans le temple m'a aussi annoncé. Quand cet ancêtre-là entendit la question des gens, et la réponse de Siméon, il se troubla extrêmement lorsqu'il entendit les paroles des anciens, et les paroles de Siméon. Il revint vers ses armées, et leur ordonna de ne pas partir des environs de Bethléem jusqu'à ce qu'il fût informé de l'histoire du Sauveur, et de sa naissance. Cinquième miracle. 1. Au 40e jour après que s'accomplit la naissance, selon la chair de notre Seigneur Jésus-Messie, sa mère Marie, ainsi que Joseph le charpentier, le porta pour le présenter au temple, comme il est prescrit dans la loi de Moïse. Ils offrirent avec lui des petits de colombes comme dit la loi. Tout premier-né qui ouvrira le sein de sa mère sera appelé consacré pour le Seigneur. 2. Lorsqu'il fut entré dans le temple, le prêtre Siméon qui était attaché à la vie de ce monde à cause de son scandale sur la prophétie d'Ésaïe au sujet de la naissance de Jésus, se leva, alors très faible par la vieillesse. Lorsque le Messie fut entré dans le temple, Siméon se leva de sa couche, et bondit comme un cerf afin que s'accomplît la parole du prophète. Lorsque le Messie sera venu, les débiles deviendront forts, et bondiront comme des cerfs. Quant à Siméon, il porta l'enfant dans ses bras, et dès qu'il eut vu l'enfant, ses yeux s'ouvrirent, et il dit. Maintenant ô Seigneur, comme tu as enfanté, défais ton serviteur de son lieu en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tout ton peuple, afin de révéler la lumière au peuple, et la gloire à ton peuple Israël. Cet enfant est la pierre qui a été posée dans Sion pour le salut de beaucoup de gens, et la perte de beaucoup. Tout ce qui tombera sur cette pierre se brisera, elle brisera ce qui tombera sur elle. Il fera vivre les cœurs. Par lui de grands miracles, et des prodiges seront accomplis, par lui surviendra une grande guerre, par lui les mystères des prophéties difficiles seront révélés. Dit le vieillard Siméon à Marie, et Joseph. 3. À ce moment-là, Satan se trouvait dans le temple, lorsqu'il entendit Siméon en train de prononcer ces paroles, il éprouva une grande tristesse, et revint vers ses armées leur raconter toute l'histoire qu'il avait apprise de l'enfant qui était né. Il leur dit. Pour moi je ne me reposerai pas au sujet des prophètes, et des justes jusqu'à ce que je les ai tués, et que j'ai fait disparaître leur mémoire de la terre. Sixième miracle. 1. Les rois mages qui se trouvaient en Orient virent une étoile dans le ciel. Sa lumière était comme la lumière du soleil, la lumière de cette étoile était comme une colombe du ciel parvenant à la terre. Quand les mages virent cela, ils s'étonnèrent fort. Ils consultèrent leurs livres, et calculèrent son calcul, mais ils ne trouvèrent pas d'étoiles. Parmi les étoiles qui lui ressemblaient, et trouvèrent toutes les étoiles chacune à leur place. Ils trouvèrent Phallix solide comme d'habitude, et se dirent entre eux. Il faut revenir consulter le livre du commandement des pères dans les trésors du roi. Et si nous y trouvons la mention de cette étoile, nous ferons tout ce qui nous est ordonné. Mais si nous n'en trouvons pas la mention, nay, c'est un symbole. 2. Ils tirèrent des trésors du roi les livres du commandement. Ils trouvèrent le commandement d'Adam à son fils Seth qui dit « Le fils du Seigneur devra revêtir la chair des hommes et habiter sur la terre. Lorsque cela aura lieu, une étoile apparaîtra au milieu du ciel. » Sa lumière sera comme une colombe qui parviendra du ciel jusqu'à terre. En elle la Vierge sera assise sur un trône de lumière, et portera l'enfant lumineux, la tête couronnée de gloire, qui tiendra dans sa main le ciel, et la terre, car il est le vicaire du monde entier. Lorsque cette étoile apparaîtra, il faudra que vous cherchiez le lieu où l'enfant est né. C'est à cause de lui que cette étoile sortira dans le ciel. 3. Ils emportèrent ses présents, l'or, la myrrhe, et l'encens que les pères avaient retiré de la montagne des trésors où se trouvait notre père Adam lors de sa sortie de l'intérieur du paradis. Les trois rois se mirent à parcourir toute la terre afin de chercher celui qui était né. Ils prirent avec eux 3,000 hommes, de plus ils prirent l'or, la myrrhe, et l'encens avec eux, et allèrent vers l'Orient. L'étoile les conduisait. Ils rencontrèrent de nombreuses difficultés dans leur route, car leur route était lointaine. Ils voyagèrent 2 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent à Yerushalayim. 4. À l'arrivée des mages dans la ville de Yerushalayim, les gens de la ville eurent peur d'eux. Alors le roi Hérode, qui se trouvait à Yerushalayim, envoya vers les rois de Perse des ministres avec de nombreux présents, suite de la crainte d'eux. Les ministres apportèrent les présents au roi de Perse, et leur demandèrent pourquoi ils étaient venus dans la terre d'Israël. Voici, nous avons vu une étoile, et nous savons d'après notre signe qu'il est né en Occident un roi illustre, dirent-ils. Nous sommes certains par la vision de l'étoile qui est apparue en Orient qu'un enfant est né dans votre pays,